On me propose un boulot dans une station-service, place Pereire. Le pompiste est un pote. C'est pas le premier que tu rencontres. Faudrait pas écraser un peu. La dernière fois que t'as causé avec un pompiste, t'avais même un revolver à la main. On est bien forcé de s'en rappeler. 2 ans de nuque, je suis à jour, non? On va m'emmerder avec ça toute ma vie? Un jour, c'est nous que tu tueras, ton père et moi, de chagrin. Bah comme ça, on trouvera pas l'arme du crime. Je penche entre le bon et le mauvais. Y'a toujours un bâton dans les roues de mon vélo. J'ai lové des choses néfastes pour ma santé. En même temps fais du sport, jamais le bon score. Pour trouver l'équilibre j'avais 2 milliards de genoux dans la tête étant gamin. J'ai choisi l'école de la vie plutôt que les examens. Les chemins sont infinis, faire les bons choix. En toute bonne foi jugé par les gens qui te côtoient. Ça nettoie les vrais amis et les autres. Casser les œufs pour faire l'omelette, c'est stasser les os. Mais reconnaître les langues de timp et les potes honnêtes. J'ai les bonnes lunettes et pas le temps, je crois faut pote honnête. Tu vois le topo, quand il s'agit de choisir. Réfléchis bien, méfie-toi ou agir. Du haut de mon perchoir, j'attends pas les perches. J'ai toujours fait ce qu'il fallait faire. Mais des fois trop tard, fallait perdre. Pour comprendre les règles, je vis pas mes rêves. Sinon ce serait la fin, une palmeraie. Du pain cuit dans le sable du Sahara. Ça, ça me le ferait, je miroite pas le luxe. La santé ça ira. Pourtant tout tente autour de nous, la publicité est entêtante. Je veux pas me faire envoûter, le diable est embêtant. Et t'attire à faire des choses que t'as pas choisi. Une souris dans un jeu de quilles avec peu de loisirs oisifs. J'me débat. La vie veut pas que tu tentes le jou, mec, tu mettes des baffes. Sinon elle continue à frapper. Donc fais les bons choix. Facile à dire, moi à faire. Mais qu'on soit fort ou faible, à chaque fois le tort nous fait du mal. Et changer de chemin, or ou fer. Là c'est plus une question de moyens. Mais tu jottes, le malin chuchote. Et chaque mauvaise décision, il se frotte les mains. C'est comme un labyrinthe, mais tu vois pas les murs. Tout peut aller mieux ou être pire selon que tu empruntes telle ou telle voie. Y'a les sûrs, la bonne longueur d'onde ou pas. Au fur et à mesure du cap, le monde tourne sur des angles. C'est de la magie, basée sur des paradoxes. Chelou s'agit, comprends rien, des nœuds dans la tête. Et perdre raison dans l'affaire et dans l'affect. Pose-toi des bonnes questions. Qu'est-ce qui fait qu'on se contredit mais qu'on avance? Ne change pas d'avis que les cons en même temps. On se construit sur des convictions. On s'en rend compte que lorsqu'on choisit. Pose-toi des bonnes questions. Qu'est-ce qui fait qu'on se contredit mais qu'on avance? Ne change pas d'avis que les cons en même temps. On se construit sur des convictions. On s'en rend compte que lorsqu'on choisit. Pose-toi les bonnes questions. Les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Les bonnes questions, pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions, les bonnes questions, les bonnes. La balance penche, va dans ce camp ou dans l'autre, mais dans ce cas, choisis bien car c'est l'avalanche. Quand tu te gourres, un malheur n'arrive jamais seul. Quand tu loupes un barreau, en général tu dépales l'échelle. Et tout le monde te regarde, c'est la nature humaine. Y'a ceux qui se marrent et ceux qui t'aident. Une fois que tu le sais, t'es plus à même dans les choix que tu fais. Et quoi que tu fasses, tu sais sur qui compter, c'est l'avantage. Prendre de l'âge, c'est être un enfant qui a de l'expérience. Construire son enfance, c'est prendre le large. Et marcher sur le fil du rasoir, malgré les bourrasques. Pour accomplir son destin, ça, malgré les risques et les rixes. Mais c'est comme ça, faut juste en tenir compte. Et apprendre à vieillir sans devenir con. Et les rixes, mais c'est comme ça, faut juste en tenir compte. Et apprendre à vieillir sans devenir con. Pose-toi les bonnes questions, qu'est-ce qui fait qu'on se contredit mais qu'on avance. Ne change pas d'avis que les cons en même temps. On se construit sur des convictions, on s'en rend compte que lorsqu'on choisit. Pose-toi les bonnes questions, qu'est-ce qui fait qu'on se contredit mais qu'on avance. Ne change pas d'avis que les cons en même temps. On se construit sur des convictions, on s'en rend compte que lorsqu'on choisit. Pose-toi les bonnes questions, qu'est-ce qui fait qu'on se contredit mais qu'on avance. Ne change pas d'avis que les cons en même temps. On se construit sur des convictions. On s'en rend compte que lorsqu'on choisit. Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait qu'on se contredit mais qu'on avance. Ne change pas d'avis que les cons en même temps. On se construit sur des convictions. On s'en rend compte que lorsqu'on choisit.